إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن من أشد الأمور حرمة وأسرعها عقبة وأعجلها مقتا عند الله تبارك وتعالى، ومن أشد ما يؤثر في النفس ويذهب إنسانيتها ويحيل قلب صاحبها إلى أن يصير كالحجارة أو أشد قسوة، هو ذلك الداء الخطير المستطير الذي انتشر في الوقت الحاضر انتشارا عظيما، ألا وهو الظلم. لقد حرم الله تبارك وتعالى الظلم، حرمه سبحانه وتعالى على نفسه، وحرمه على عباده، وتوعد عز وجل الظالمين بعذاب أليم في الدارين، وذلك لما من العواقب الوخيمة على الأفراد والمجتمعات. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وأخبر الله جل وعلا أن من الناس من هو كثير الظلم لنفسه ولغيره. قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Parmi les choses qui sont les plus interdites en islam, parmi les choses dont le châtiment ne se fait pas attendre lorsque la personne le commet, un péché qui influe directement sur la personne, sur son comportement, un péché, lorsqu'il est commis, il transforme le cœur de la personne en de la pierre et plus dur encore. C'est une maladie dangereuse dont il faut se prémunir. Ce danger est l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'injustice. Il l'a interdit à lui-même, il l'a interdit à ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même, ne soyez pas injustes entre vous, et je vous l'interdis entre vous. Et le terme dhulm en arabe signifie l'injustice, mais signifie aussi le fait de porter atteinte à autrui, de porter atteinte à sa personne, mais aussi de porter atteinte aux autres. أما في الدنيا فإن الظالم لا يفلح في دنياه ومن سلك طريق الظلم فإن بابه في النهاية مغلق. قال الله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. وقد يحرم الظالم من الهداية. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقال تعالى فبعدا للقوم الظالمين. وإذا انتشر الظلم في مجتمع وجاهر أهله به وصار الصبغة العامة لهذا المجتمع، فإنه قد يعجل الله لهم العقوبة الشاملة التي لا يكاد أن يسلم منها أحد، بل تعم الصالح والطالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. أما في الآخرة فقد توعد الله تبارك وتعالى الظالمين باللعنة وأليم العقاب، فقال جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين. Celui qui est injuste, celui qui porte atteinte aux autres, il ne connaîtra pas la réussite dans cette vie d'ici-bas. Et la voie qu'il suit se terminera par une porte qui sera fermée, une porte qui l'empêchera de réussir dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Allah Azza wa Jal a attesté de cela dans le Coran lorsqu'il dit « Innahu la yuflihu al-zalimun » Les persécuteurs, les injustes, les oppresseurs ne connaîtront jamais la victoire. Et cette personne injuste, cette personne qui offense, peut même faire partie des gens qu'Allah Azza wa Jal ne guidera pas, car Allah Azza wa Jal l'a dit dans le Coran, Allah ne guide pas les peuples injustes. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal a même dit que les injustes périssent, que les injustes périssent et disparaissent de cette terre. Et lorsque l'injustice et lorsque l'oppression apparaît dans un peuple ou dans une cité, eh bien Allah Azza wa Jal fait en sorte que tout le monde soit châtié et personne n'est épargné, même les pieux parmi eux, même les pieux parmi eux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'une de ses femmes lui a demandé anahliku wa fina as-salihun, connaîtrons-nous ou pouvons-nous connaître la perdition alors qu'il y a parmi nous des gens pieux, des gens bien? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit na'am idha kathura al-khabath, oui, si le mal est répandu. Si le mal est répandu, Allah Azza wa Jal descend son châtiment plus vite que prévu, et son châtiment englobe tout le monde, les pervers et les non-pervers. Et à ce sujet, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner la victoire à un peuple juste, où Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à un peuple juste, même si ce sont des non-musulmans, et il humilie et rabaisse les peuples injustes, ou rabaisse les peuples musulmans lorsqu'ils sont injustes. Wa amma fi l'akhirah, kama qultu, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala توعد الظالمين باللعنة، وقال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال سبحانه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم إن هذا الظالم لن يكون له يوم القيامة لا نصير ولا شفيع ولا صاحب، يحرم الظلمة من الشفاعة أمام المرسلين، والشفاعة من يأذن الله لهم في الشفاعة لعباده، كما قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ومما يصيب الظلم يوم القيامة أيضا الحسرة والندم، فكل ظالم سيندم هناك ولا تساعة مندم، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. L'injuste et l'oppresseur ne connaîtra pas la félicité dans cette vie d'ici-bas et sera châtié dans cette vie d'ici-bas. Mais le châtiment d'Allah Azza wa Jal ne s'arrête pas à cette vie d'ici-bas, mais il se prolongera et continuera également dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a tout d'abord maudit les oppresseurs et les injustes, ceux qui font du mal aux autres, ceux qui leur portent atteinte, et bien qu'ils sachent qu'ils sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, que la malédiction soit sur les injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit également que nous avons préparé pour les injustes un feu qui les entourera. Et lorsqu'ils demanderont secours en demandant à boire, eh bien nous leur donnerons une boisson qui sera bouillante et qui brûlera leur visage. Quelle mauvaise boisson et quelle mauvaise destination. Également, le jour du jugement, ces injustes et ces oppresseurs, leurs excuses ne seront plus acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit subhanahu wa ta'ala, le jour où ne profiteront pas aux injustes leurs excuses, ils auront la malédiction et ils termineront leur jour, où ils passeront le reste de l'éternité dans la pire des destinations, qui est l'enfer, wal'iyadu billah. Ils ne trouveront également le jour du jugement ni soutien, ni personne qui pourra venir les aider, et ils seront privés de l'intercession des prophètes et des envoyés. وما يصيب الظلمة يوم القيامة أيضا الحسرة والندم. الحسرة والندم. Également, il sera atteint le jour du jugement par des regrets terribles. Il regrettera les oppressions qu'il a faites, les injustices qu'il aura commises. Il le regrettera fortement, au point qu'Allah Azza wa Jalla a dit que si un juste avait en sa possession tout ce qu'il y a sur cette terre, il la donnerait en rançon le jour du jugement afin qu'il soit libéré du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Azza wa Jal n'acceptera pas ça d'eux. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle et nous montre à quel point ces injustes et ces oppresseurs regretteront tout ce qu'ils auront fait dans cette vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens, le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager, malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami, il m'a égaré loin du rappel qui est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il me soit parvenu. Et le diable se détournera de l'homme. Le diable, ce jour-là, le jour du jugement, se sauvera et niera toute responsabilité sur les actes et les faits de ses injustes et de ses oppresseurs. Et ainsi, le diable, il incite les gens dans cette vie d'ici-bas à commettre les péchés et les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le jour du jugement, il se sauvera et niera toute responsabilité et dira à toutes ces personnes qui termineront en enfer: je n'avais fait qu'une chose, c'est de vous appeler, et c'est vous qui m'avez écouté et qui m'avez suivi. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam: inna Allah la yumli lil zalimi hatta idha akhadahu lam yuflit. Thumma qara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. Et que l'injuste et l'oppresseur sache également et qu'il prenne connaissance de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah laisse l'oppresseur faire ses injustices jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala le saisit, il ne l'épargnera pas. Jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala le saisira et le punira, Allah subhanahu wa ta'ala n'enlèvera pas cette punition et ce châtiment et son châtiment de cette personne injuste et oppresseuse. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la parole d'Allah azza wa jal, et ainsi est Allah lorsqu'il châtie un peuple ou lorsqu'il châtie une cité injuste, le châtiment de ton Seigneur est douloureux. ثم اعلموا أيها المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن دعوة المظلوم مستجابة كما قال صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فدعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا لأن فجوره لا يجيز التعدي عليه وفجوره على نفسه. Sache également, toi qui fais partie des oppresseurs et des injustes, que l'invocation de celui qui est opprimé, l'invocation de la victime d'une injustice ou d'une oppression n'est pas, est acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a entre son invocation et Allah subhanahu wa ta'ala aucun obstacle, même si cette personne n'est pas musulmane. Même si cette personne qui est victime d'une oppression, d'une injustice, n'est pas une personne pieuse, le fait qu'elle ne soit pas pieuse ne justifie pas le fait de lui porter atteinte ou de lui faire du mal. Ainsi, que sachent les injustes et les oppresseurs que lorsque quelqu'un invoque contre eux, Allah subhanahu wa ta'ala exauce leur invocation. أيها المسلمون إن الظلم مذهب للبركات وإن الظلم إفلاس من كل ما كسب في الدنيا والآخرة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أتدرون من المفلس أي تدرون من الفقير؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي الذي يأتي يوم القيامة بصلاته وزكاته وصيامه ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت أي كملت وانتهت حسناته قبل أن يقضى ما عليه قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. وعند مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Sachez également que le fait d'oppresser les gens et d'être injuste envers eux enlève toute bénédiction dans cette vie d'ici-bas, et cette personne injuste fera partie ou fait partie des plus pauvres et des plus démunis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le sahih de Muslim sur Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné ses compagnons et leur a dit: savez-vous qui est le pauvre? Ils ont répondu: c'est celui qui n'a ni dirham ni dinar, et celui qui n'a pas de bien en sa possession. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pauvre de ma communauté, c'est celui qui viendra le jour du jugement avec ses prières, avec ses aumônes, avec ses jeûnes, mais il viendra le jour du jugement alors qu'il aura insulté un tel, aura accusé un tel, aura volé l'argent d'un tel, aura fait couler le sang d'un tel, aura tapé un tel, l'aura frappé, ce jour-là, le jour du jugement, on prendra de ses bonnes actions et on les donnera à chacune de ces personnes qui l'aura offensé et qui l'aura opprimé. Et lorsque il n'aura plus de bonnes actions à son compte, avant que justice ne soit faite, eh bien, les péchés des autres seront pris et seront jetés sur lui, puis il sera jeté en enfer. Wal'iyadu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, le hadith de Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, dans le sahih de Muslim également, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez l'injustice, prenez garde à ne pas être injuste et à ne pas oppresser, car l'injustice sera ténèbres le jour du jugement. Car toute l'injustice que tu auras faite et tous les gens à qui tu auras fait du mal, eh bien tout ceci sera des ténèbres pour toi le jour du jugement. ثم أيها الظالم لماذا تظلم؟ أهي قدرتك وقوتك فسوف يسلط الله عليك من هو أقدر منك؟ أم هي عزتك ومالك وجاهك؟ فكل ذلك صائر إلى الذل والهوان. فاتق الله وأقلع عن الظلم وكف عن التعدي على الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم قبل أن تلقى الله بهذا الظلم الشنيع. Puis un appel qui est fait à ces oppresseurs, à ces injustes. Pourquoi offensez-vous les gens? Pourquoi leur portez-vous atteinte? Est-ce parce que vous êtes les plus forts? Est-ce parce que vous êtes les plus forts et ceux qui ont la plus grande capacité? Eh bien, sachez qu'Allah Azza wa Jal est capable d'affliger sur vous des personnes qui sont plus fortes que vous. Ou bien, est-ce parce que vous vous sentez puissant, que vous avez de l'argent et que vous avez de l'autorité? Sachez que ceci se terminera un jour, car tout est voué à la perdition, sauf la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Crains donc Allah et abstiens-toi d'être injuste envers les gens, abstiens-toi de leur porter atteinte, abstiens-toi de leur faire du mal avant que tu ne viennes le jour du jugement avec tout ceci en guise de fardeau. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر أي المسلمون الذين قد هجروا إلى الحبشة لما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عام خيبر قال لهم صلى الله عليه وسلم ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة قال فتية كانوا منهم بلى يا رسول الله بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز راهبانهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم إذا وضع الله الكرسي وجمع الله الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم من أمري وأمرك عنده غدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. اسم جابر بن عبد الله رضي الله عنه il dit, lorsque les musulmans qui avaient fait l'émigration en Abyssinie sont revenus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année de Khaybar, l'année où a lieu la bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, pouvez-vous nous informer ou informez-nous des choses les plus étonnantes que vous avez vues dans cette terre, la terre d'Abyssinie? Et un groupe parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit, oui, ô envoyé d'Allah, nous pouvons t'informer de cela. Nous étions un jour assis lorsqu'une femme vieille parmi les moines est passée devant nous. Et elle portait sur sa tête une jarre d'eau qu'elle transportait. Puis, elle est passée à proximité d'un jeune homme. Et lorsque ce jeune homme a vu cette vieille porter cette jarre sur sa tête, il s'est positionné derrière elle, a mis sa main entre ses épaules et l'a poussée fortement. Cette femme s'est retrouvée à terre, à genoux, par terre, et sa jarre d'eau s'est cassée devant elle. Lorsqu'elle s'est relevée, elle s'est tournée vers ce jeune homme et lui a dit, « Tu sauras un jour. » Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala positionnera son trône et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala rassemblera les premiers et les derniers des êtres humains et lorsque les mains vont parler et lorsque les pieds vont parler de tout ce qu'il faisait, tu sauras ce jour-là ce qui s'est passé entre moi et toi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sadaqat, sadaqat ». Elle a dit vrai, elle a dit vrai. Comment Allah subhanahu wa ta'ala peut-il bénir un peuple qui ne fait pas la justice et qui ne rend pas la justice à ceux qui sont opprimés ? أحسبت يا ابن آدم أنك تمهل وتترك فلا تعاقب وتظلم وتتقلب في النعم كيف شئت ولا تحاسب أنسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. Crois-tu, ô toi qui oppresses les gens et fais du mal autour de toi, crois-tu que tu seras laissé comme ça sans être châtié? Crois-tu que les délices éphémères que tu es en train de vivre aujourd'hui et dont tu profites illégalement, crois-tu que tu ne seras pas jugé? Crois-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'oubliera? Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ahsahu Allah wa nasur » Allah subhanahu wa ta'ala enregistre, mais eux oublient. Ceux qui offensent les gens oublient le mal qu'ils ont fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, ne l'oubliera pas le jour du jugement. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا نذكر المسلمين جميعا بأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ثم اعلموا أيها المسلمون أنه لا بد من مدافعة هذا الظلم، وهناك سبل لدفع هذا الظلم والتعدي على الناس. أما الوسيلة الأولى فهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وأما الوسيلة الثانية فهو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن الوسائل أيضا لحرب الظلم والاعتداء الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. Sachez que pour combattre l'injustice et pour combattre l'oppression, il y a plusieurs moyens. Le premier, qui est le meilleur, est d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, d'appeler Allah ses oppresseurs et ses injustes. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, après toutes les injustices qui ont eu lieu dans cette ville encore une fois, au point que dans cette ville, wal'iyadu billah, de voir des voitures brûler est une chose normale. Lorsque les voitures ne brûlent plus, les gens s'interrogent. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de voiture qui a été brûlée aujourd'hui? Un appel que je lance à tous ces jeunes qui portent atteinte à l'image de l'islam, qui portent atteinte à l'image des musulmans, des personnes qui portent atteinte à eux-mêmes avant tout. Car une voiture brûlée est une voiture volée. Et le vol en islam, si ces personnes vivaient dans un pays musulman, leur main droite serait partie depuis bien longtemps. Et s'ils recommençaient, ce serait leur main gauche qui serait partie. Que craignent Allah subhanahu wa ta'ala ces jeunes qui sèment la turpitude, qui dérangent les petits, les grands, les femmes et les enfants. Cessez toutes ces injustices gratuites qui n'apportent que du mal à vous-même et du mal aux musulmans. Il t'est interdit de brûler ta voiture dans un désert, car cela est du gaspillage. Et Allah subhanahu wa ta'ala interdit le gaspillage. Brûler ta voiture dans un désert, c'est ta voiture, tu ne l'as pas volée. Dans un désert où tu ne fais de mal à personne, ceci est interdit. Que dire alors de ceux qui volent les voitures et qui les brûlent en plein milieu d'un quartier ou d'une cité et au milieu d'autres voitures? Peut-être qu'un enfant joue à côté, peut-être qu'une famille est proche à côté. Tu auras porté atteinte à toute une cité et à une personne en particulier. Crains donc Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci est gratuit, n'a aucune bonne conséquence, il n'en a que des mauvaises. Et quand je dis gratuit, c'est-à-dire que ça n'apporte pas de choses bien, au contraire, ça n'apporte que du mal. Au point que certains ont honte de dire qu'ils habitent à Ecquevilly. Certains ont honte de dire qu'ils habitent à Ecquevilly. Lorsqu'ils traversent la route, ils ont l'impression de passer à côté d'une ville chaotique, d'une ville qui ne ressemble plus à rien. Craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala et abstenez-vous de l'injustice avant que vous ne mordiez vos mains, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, en espérant revenir sur cette terre, ne serait-ce qu'une minute, ne serait-ce qu'une seconde, pour réparer vos erreurs et pour demander aux gens de vous pardonner. Arrêtez-vous et abstenez-vous et sachez que la porte du repentir est grande ouverte pour chacun d'entre vous. La porte du repentir est grande ouverte. Regrette ce que tu as fait. Abstiens-toi de tout ce que tu as fait et prends la résolution de ne plus recommencer. Et Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera, car celui qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce repentir. أقول قولي هذا وأستغفر الله ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المصلحين في الأرض لا من المفسدين اللهم اجعلنا من الذين يصلحون ولا يفسدون وأقم الصلاة.